L'intégration de la conscience supramentale ne libère pas l'individu de la programmation. Ce que ça fait en réalité, c'est que ça altère la programmation que vivait jusqu'alors l'individu lorsqu'il était assujetti à des forces involutives, c'est-à-dire des forces relatives à du mémoriel, du plan astral et des informations archivées. Donc, autrement dit, la conscience supramentale fait éclater des formes anciennes, mais lorsqu'il fait éclater des formes anciennes, il va en générer d'une manière créative qui sont amenées dans la conscience de l'individu d'une manière instantanée, immédiate. Donc, autrement dit, la conscience supramentale va générer une programmation qui s'effectue dans le ici maintenant, qui est spontanée, mais qui va quand même codifier l'individu par rapport à certains types de pensées et qui va l'amener dans une direction. Et ça, c'est un élément important à aborder parce qu'en réalité, l'intégration de la conscience supramentale ne rend pas libre de la programmation. Autrement dit, l'individu qui intègre une conscience supramentale, il subit une forme de programmation subtile qui se subtilise, qui remplace la programmation évolutive. Donc, autrement dit, c'est comme quelqu'un qui fonctionnait avec du Internet basse vitesse, puis à un moment donné, il tombe sur la haute vitesse. Or, il est toujours connecté avec le réseau Internet. C'est juste que sa connexion qu'il a avec le réseau lui permet de télécharger davantage d'informations. Et la particularité de la conscience supramentale, c'est une optimisation de l'individu en tant qu'ego, en tant que canal, réceptacle d'informations, pour l'amener à passer à la haute vitesse sur le plan psychique, c'est-à-dire une capacité plus grande de réception d'informations à caractère évolutif qui va lui permettre d'être transfiguré, transformé dans une dynamique de l'optimisation perpétuelle. Dans le domaine de l'informatique, vous avez, par exemple, la loi de Moore, qui fait en sorte qu'au 18 mois, la quantité de données qui peuvent être entreposées, par exemple, sur un disque dur, va augmenter, va être supposée doubler, là. En tout cas, ça augmente d'une manière significative. Et la conscience supramentale, c'est le même principe. C'est une optimisation au fil du temps de l'individu en tant que support. Mais là, c'est pas en tant que support des mémoires. La fonction de la conscience supramentale, lorsqu'elle œuvre pour modifier, altérer l'individu, donc le transfigurer psychiquement, c'est pour l'amener à être capable de travailler à l'unisson avec une programmation qui est générée dans l'instantanéité du moment présent à partir d'un état de vide de réflexion connu par l'ego, mais qui laisse place à un déploiement de son intériorité qui va pouvoir rayonner à son extérieur à travers sa capacité de laisser circuler l'énergie créative, la laisser pulser à travers lui, la laisser effectuer son travail sans qu'il interfère à travers des mécanismes psychologiques, dont par exemple la réflexion, l'analyse, l'esprit de calcul. Travailler avec la vibration supramentale est très difficile parce que tant que l'ego est en puissance, tant que l'ego veut contrôler, tant que l'ego est orgueilleux, tant que l'ego veut avoir raison, tant que l'ego a des choses à perdre, tant que l'ego a des choses à gagner, ça va faire interférence. Un ego, par exemple, qui est pauvre, ben lui peut avoir peur de pas avoir d'argent. Puis un ego qui est riche, ou le même ego qui devient riche, lui, sa peur, c'est de perdre ce qu'il a. Donc, il y a beaucoup d'argent, il a peur de perdre, puis l'autre, il n'en a pas. Puis il a peur de ne pas en avoir. Dans les deux cas, les deux égos vibrent à la peur, donc les deux égos ne sont pas libres. Donc l'idée à travers ça ici, c'est quoi? C'est que peu importe ce que l'être humain peut faire, il y aura toujours des forces astrales qui vont le manipuler. Lorsque l'ego croit que s'il est riche, il va être libre de la peur, il peut s'illusionner parce que la personne, elle peut devenir millionnaire en gagnant à la loterie. Or, si la personne, une fois qu'elle devient très riche, elle tombe dans un état de stagnation évolutive parce qu'elle n'a plus besoin de travailler et puis elle passe son temps dans sa maison de luxe à boire des breuvages alcoolisés, couchés sur le matelas à côté d'une piscine. Donc, son mode de vie de rêve peut être récupéré par des ruminations anxieuses qui est en relation avec les états de pénétration psychique qu'elle pouvait subir avant d'être riche. Puis la personne qui est très riche, qui devient très pauvre, bien entendu, elle peut vivre aussi de l'anxiété de ne pas retrouver une fortune qu'elle connaissait. Bref, L'être humain est manipulé dans ses désirs, dans ce qu'il veut, etc. Et la fonction de la conscience supramentale, c'est de faire éclater les formes. Or, au moment où une forme est éclatée et remplacée par une énergie, l'énergie va amener spontanément d'autres formes dans le mental de l'individu. Mais la particularité de la programmation qui est réalisée par l'esprit, c'est que c'est une programmation qui est immédiate. Et toute tentative de l'individu de se l'approprier, de vouloir la contrôler ou de la réfléchir va être tôt ou tard court-circuitée parce que si l'individu fait ça, il en fait de la connaissance. Donc, ce qui est pulsé dans le moment présent et que l'individu est capable d'intégrer, donc l'individu vit à l'unisson avec le savoir. Or, le savoir, c'est pas quelque chose qu'on peut accumuler sur un disque dur, comme des informations, des données, des datas. Donc, le savoir à la différence de la sagesse, c'est quelque chose qui peut générer dans le moment présent en fonction de la capacité de réceptivité psychique de l'individu. Et pour avoir la réceptibilité psychique, l'individu doit être capable d'être ouvert d'esprit. Et pour pouvoir être ouvert d'esprit, il doit être fluide dans le sens être disponible à l'information qui vient. Donc, autrement dit, il doit être capable d'être à l'écoute de la dimension intérieure de lui, donc la dimension intuitive, de la dimension réelle qu'il porte en lui. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, quelqu'un qui passe d'une conscience involutive à évolutive, c'est pas qu'il subit plus de programmation, c'est que la programmation qu'il subissait est remplacée par une autre plus subtile, tout simplement. C'est un changement. La nature a horreur du vide. Et même si on dit que l'individu qui est libre du plan astral œuvre à partir d'un état de vide mental, ben dans le vide mental, il y a quand même des éléments informatifs qui vont émerger au sein de lui, c'est-à-dire le savoir intérieur qui peut pulser en son centre un peu à l'image d'un soleil, mais quand même la pulsation informationnelle que l'individu va capter sur le plan de la pensée, eh bien, à ce moment-là, on peut dire dans un sens que c'est une intelligence qui provient d'un vide de forme par rapport au manifeste, mais il y a quand même des formes embryonnaires qu'il va capter qui sont générées à partir d'une dimension non manifeste de lui-même sur laquelle il peut se connecter. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en réalité, l'idée d'être libre de la programmation, en réalité, c'est quelque chose d'illusoire parce que l'individu a toujours à proposer que la programmation. Dans certains cas, il peut osciller. Il peut osciller entre une programmation involutive et évolutive. Il peut faire le yo-yo entre les deux. Donc, on peut le voir, par exemple, au sein de certaines personnes. Donc, il y a certaines personnes qui, par exemple, vont faire des thérapies pour arrêter de consommer de la drogue, de la cocaïne, de la morphine, de l'alcool, la cigarette, peu importe. Et à un moment donné, la personne, dans un moment de montant impuissant de volonté, a dit « ça suffit, ça arrête ». Puis là, il y a une vibration qui passe, donc une énergie qui cherche à déloger l'attachement à la substance qui occasionne une dépendance. Puis un peu plus tard, la personne elle, se fait récupérer par l'astral parce que, bon, elle a une journée difficile au travail, elle s'est fait engueuler par des clients ou ça va moins bien avec son couple, ça va moins bien avec sa femme, ça va moins bien avec son enfant. Et là, à ce moment-là, pour aller chercher un plaisir compensatoire, la personne peut avoir envie de prendre de la drogue, par exemple, pour retrouver une forme de stimulation. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable de contenir le réel de ce qu'elle a vécu associé à la souffrance. Être capable de contenir une souffrance à froid, sans le support d'une béquille, que ce soit une substance de consommation de drogue ou une béquille psychologique, c'est-à-dire pratiquer une forme de méditation guidée pour se détendre, intégrer l'événement. Il y a des formes de méditation pleine conscience qui, dans certains cas, peuvent, pour certaines personnes, se substituer à de la médication, des antidépresseurs, ou carrément de la drogue que la personne prend. Mais c'est sûr que le point qui doit être dit ici, c'est que compter l'énergie supramentale, c'est pas évident, puis composer avec elle par rapport à l'oscillation des événements de la vie, des contrariétés du quotidien, ça ne l'est pas. Tout ça pour dire quoi? Ben, à un moment donné, il y a la programmation évolutive qui prend le pas. À un moment donné, c'est l'involutive, il part le yo-yo entre les deux, mais c'est l'oscillation d'une programmation à l'autre. Et tant que l'individu n'a pas les corps, la structure énergétique pour contenir une programmation plutôt qu'une autre, Ben, c'est en fonction de sa contenance. Donc, des gens qui peuvent contenir l'esprit pendant un certain temps, ensuite sont récupérés par l'astral. Si la personne est travaillée par l'esprit pour intégrer davantage d'énergie créative, ça va se faire dans le temps, ça va se placer, ça va s'ajuster. Et l'individu n'a pas besoin de faire 36 000 enregistrements pour parler de conscience ou écouter de nombreux enregistrements où il y a des conférenciers qui parlent de conscience. C'est à travers les événements que la contenance se fait. Là, il n'y a même pas besoin de réfléchir à ça, ça se fait tout seul. C'est comme manger ou déféquer, là. Donc, quelqu'un qui a vraiment envie de déféquer, et ça presse, c'est urgent. Prenons par exemple quelqu'un qui fait une gastro-entérite et il a le goût de vomir ou il y a des selles liquides puis il faut qu'il court pour aller aux toilettes. Bon, ben la personne est amenée à sortir d'une mécanique réflexive et un état de contrôle dans son rapport au corps parce que il subit le corps physique qui a besoin, par exemple, de vomir ou de déféquer. Donc, autrement dit, la personne qui sort de la réflexion pour répondre à des besoins naturels comme aller déféquer parce qu'il a trop envie, puis s'il ne va pas aux toilettes, ben il va déféquer dans ses culottes. Il n'y a plus de marge de manœuvre pour le choix, pour la réflexion, puis pour l'illusion du libre-arbitre. Donc, il subit la programmation malgré lui. Quelqu'un qui a envie de déféquer, puis ça presse, puis il ne court pas aux toilettes, ben il va déféquer dans ses culottes. Pourquoi? Ben, parce que la programmation échappe à la volonté de contrôle de l'ego, puis l'ego ne peut pas la moduler ou peut la moduler quelques secondes, dans le sens de quelqu'un qui a envie de déféquer, puis ça presse. Peut-être que s'il prend 30 secondes pour se rendre aux toilettes, il va être capable de déféquer aux toilettes. Mais le point que je veux faire, c'est que l'être humain subit continuellement des programmations et l'idée de sortir d'une programmation pour une autre en relation avec la volonté de l'ego, c'est illusoire. Donc, c'est comme le passage à la conscience supramentale. Donc, l'ego ne peut pas se lever un matin et dire « je vais passer à la conscience supramentale ». C'est une illusion et il y a des gens qui croient ça pendant un certain nombre de temps, mais c'est au fil des événements que la personne est obligée de faire des constats, si moindrement être objectif dans le mental. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent passer leur vie à avoir des illusions que s'ils écoutent des enregistrements, ils vont à des conférences, à des ateliers, ils vont devenir conscients. Or, ce qui rend conscient, c'est pas les formes, mais c'est la vibration qui est mise en action au sein de l'individu à travers l'exposition de certains événements, certaines formes. Oui, certains individus peuvent véhiculer une vibration qui est propice, dans le fond, une actualisation du potentiel vibratoire inné qu'il peut avoir. Ça, c'est un fait, un peu comme le principe du métronome. Vous pouvez prendre plusieurs métronomes que vous mettez sur une table. On va utiliser, entre autres, les métronomes dans le domaine de la musique pour avoir un rythme régulier. Prenons, par exemple, quelqu'un qui joue de la guitare. Bon, il peut avoir des métronomes pour s'ajuster. Et là, il y en a qui bougent, ils fluctuent un certain rythme, un autre rythme. Mais si vous prenez plusieurs métronomes, qu'est-ce qui va arriver sur une table? C'est qu'éventuellement, ils vont tous s'ajuster au même rythme. C'est un phénomène naturel. Et pour ce qui est des gens qui sont exposés à la conscience vibratoire, bien, comme c'est une vibration qui est plus élevée que celle de l'astral, et à ce moment-là, lorsqu'elle prend toute la place, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est que l'astral est tassé momentanément et tout le monde est ajusté lorsque ces gens-là sont en présence d'un initié qui parle à la vibration qui émane de sa parole momentanément. Donc, prenons par exemple des gens qui sont comparables à des métronomes. Bon, bien, les gens, lorsqu'il y a une conférence et qu'ils arrivent en salle, ils ont tous leur taux vibratoire. Il y en a qui vibrent d'une certaine façon, un autre. Et un peu comme des métronomes qui sont mis ensemble sur une table, ça peut être un son qui est cacophonique, qui est généré par l'ensemble de la présence des personnes. Or, s'il y a un initié qui parle, qui génère une vibration, qui va interférer sur l'ensemble des vibrations qui sont générées par les différents métronomes en activité, éventuellement, il y aura une harmonisation psychique qui va se produire, qui va faire en sorte que l'ensemble des métronomes vont vibrer au même diapason. Donc, ils vont être sur la même longueur d'onde. Un peu comme plusieurs métronomes dépareillés sur une table qui, au fil du temps, eh bien, à ce moment-là, il y a un phénomène qui se produit ou qui vont tous vibrer à l'unisson. Pourquoi? Ben, parce que les différents métronomes vont s'ajuster à une fréquence. Il y a un phénomène d'harmonisation qui se fait naturellement et c'est la même chose pour les êtres humains. C'est-à-dire que les êtres humains sont appelés à s'harmoniser à plus haute fréquence psychique Pourquoi? Parce que la plus haute fréquence psychique a l'autorité du taux vibratoire. L'autorité du taux vibratoire, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça déloge le taux vibratoire qui est plus bas, les entités astrales qui s'y rattachent, le mémoriel, tous les éléments qui font parasitage, qui font obstruction, pour nettoyer ça. Or, la problématique, c'est quoi? Ben, c'est que quelqu'un qui baigne dans une vibration momentanément, un peu comme quelqu'un qui va dans une salle puis tous les métronomes vibrent au même rythme, c'est facile de se syntoniser à eux parce que la personne bénéficie de la force du groupe, la force de la vibration en présence. Or, si elle se retrouve tout seule puis elle se met à réfléchir, ben, elle peut se désynchroniser par rapport à l'état d'harmonie vibratoire. Et c'est la même chose pour l'individu isolé qui a composé avec une intégration de conscience supramentale. Le défi, c'est quoi? Ben, c'est que la personne s'écoute puis elle suit sa vibration. Or, elle ne sera pas supportée, à moins qu'à une conférence, quoi qu'il n'y en ait plus vraiment au moment où je vous parle, en 2023, où c'est très rare, là, des conférences. En tout cas, peu importe s'il y en a ou pas des conférences qui permettent d'ajouter la vibration. Bon, l'objet de l'enregistrement, c'est pas faire de recherche ou d'enquête là, par rapport à ça, mais c'est d'illustrer un principe. Le principe est que, à quelque part, l'ego peut vouloir être libre de la programmation, mais en réalité, ce qu'il doit comprendre, c'est que s'il n'est pas mis en action par l'astral, à travers ses pensées, à travers ses actions, c'est parce qu'il va être mis en action par l'esprit. Parce que l'ego, s'il est libre de la programmation astrale, puis il est toujours vivant dans un corps physique, il doit être mis en action en relation avec un principe énergétique. La particularité de la réalité dans laquelle on vit, c'est que, à la base, toutes les pensées qui peuvent exister ont été générées par de l'énergie qui provient de l'esprit, donc le plan nouménal, et par des gens qui ont initié des nouvelles idées, nouvelles créatives. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des gens qui ont réfléchi à ça, ils ont intégré, ils en ont fait du bagage mémoriel. Ils ont créé des formes, ça l'a alourdi. Donc, une programmation qui a été générée suite à la programmation d'origine, et si la programmation mémorielle s'alourdit, ben l'individu devient de plus en plus coupé de sa programmation d'origine. Or, le déphasage entre les deux peut amener l'individu à s'alourdir, sombrer dans la dépression, avoir des idées sombres, voire suicidaires. Ensuite, l'individu peut être pris avec des problèmes d'anxiété, des problèmes de dépression multiples au cours de sa vie, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est coupé de sa lumière. Quelqu'un qui pulse à sa lumière et qui bénéficie d'une intelligence créative, il ne sera pas dépressif. Il ne sera pas anxieux. Il ne sera pas angoissé par l'existence. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas en affiliation psychique avec l'astral, le mémoriel qui permet ça. Autrement dit, quelqu'un qui vit d'une intelligence créative va expérimenter ce que certains psychologues appellent le phénomène du flow. Donc, autrement dit, un phénomène où la personne est en phase avec elle-même, donc certains vont parler d'état de transe léger que la personne peut connaître, où qu'elle va perdre la notion du temps et de l'espace parce qu'elle va être toute là dans ce qu'elle fait, elle va être totalement dans le moment présent. Et quand la personne est toute là et est au-delà d'une conscience réflexive, c'est là qu'elle peut émettre une parole vibratoire qui va générer des idées nouvelles, des actions nouvelles et qui éventuellement peut être récupérée par des forces astrales qui sont dissociées d'une relation directe et transparente avec la source. Donc, et qui peuvent récupérer l'information contre l'individu ou contre la société. Donc, un peu à l'image d'un avocat qui va dire « Tout ce que vous allez dire peut être retenu contre vous. » Et c'est le jeu de l'astral, c'est de récupérer l'intelligence de ceux qui sont en contact avec l'esprit pour manipuler et dominer, étant donné que les gens affiliés à l'astral ou au mémorial du passé sont pas capables de s'auto-générer sur le plan créatif. Pourquoi? Parce qu'ils sont coupés de leur lumière. Pourquoi? Parce que l'esprit les pénètre pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas, dans le fond, dans certains cas, ils ont pas les corps d'énergie pour contenir trop de lumière. Fait que c'est un cercle vicieux et insidieux. La personne elle se comporte comme une parasite de l'énergie vitale et de la créativité des autres parce qu'elle n'est pas capable de la générer par elle-même, de la créativité. Mais on ne peut pas la blâmer de ne pas être capable de la générer parce qu'elle n'est pas assez ajustée sur le plan vibratoire puis elle n'a pas la contenance de l'énergie, elle n'est pas capable de l'assumer. Donc, puis pour qu'elle soit capable de l'assumer, il faut qu'elle soit pénétrée par l'esprit. Or, un individu ne peut pas le décider puis un individu ne peut pas le décider à la place de l'autre. Donc, c'est plein de cercles vicieux. Quand on regarde la société, c'est comme quelqu'un est inconscient parce qu'il ne peut pas être autrement, parce qu'il n'a pas la capacité de contenir l'énergie de la conscience. Et à ce moment-là, que faire? Ben, c'est de s'occuper de ses affaires. Et lorsque la personne vivra des chocs de vie en relation avec la pénétration d'énergie de l'esprit, là, c'est possible que la personne change à un second niveau. Mais on ne peut pas le décider pour son voisin, ni même pour les politiciens qui nous dirigent. Chaque chose en son temps. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est d'être capable de courtir le temps de sa relation avec le collectif, d'observer les choses, de s'occuper de soi et de s'écouter, même si des fois, on peut avoir des idées qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent paraître aux autres farfelues. Donc, c'est de vivre à son rythme. Donc, c'est-à-dire que l'individu a un programme qui est individué, qui est en relation avec l'énergie créative lorsqu'il est en contact avec lui, qui l'habite. Et c'est ça qui lui permet d'être bien dans sa peau. Parce que si la personne vit au rythme des autres, elle va être tout le temps en déphasage par rapport à elle-même. Et tout ça pour dire quoi? Oui, le salut ne viendra pas dans la libération de la programmation. Ça, c'est une illusion. C'est comme la personne qui dit « Ah, quand que dans 200 vies, je vais être libre de la réincarnation, projeté sur l'horizon du monde que la liberté va venir à un moment donné. » Mais non, il y aura toujours la conscience aura toujours à composer avec des formes parce que c'est précisément sa relation avec des formes qui lui permet d'être à un endroit localisé plutôt qu'à un autre comme foyer d'expression. Donc, autrement dit, tant qu'il y a une conscience individuelle, il y aura toujours un rapport aux formes. Mais le principe de l'intelligence, c'est quoi? C'est que l'individu soit capable d'être en affinité avec le principe créatif qui va lui permettre de générer des formes dans le ici et maintenant qu'il a besoin, puis par la suite, il ne s'attache pas à ça, puis passe à autre chose. Parce que si l'individu génère des formes qu'il trouve intéressantes en tant qu'ego, qu'il réfléchit parce qu'il est orgueilleux, il se trouve le bétérite de ça, ben, il va être déconnecté à ce moment-là des formes nouvelles qu'il peut générer dans l'avenir. Donc, autrement dit, quelqu'un qui fait une invention, il passe son temps à faire des reportages ou ce qu'il répète à des journalistes inlassablement, comment que découvert son invention, comment que ça lui a permis de faire de l'argent, etc. Il peut vivre ça temporairement, mais s'il fait ça pendant 30 ans ou 50 ans, ben, il ne sera pas disponible pour une autre idée nouvelle qui lui permettrait de générer autre chose. Pourquoi? Ben, il est trop attaché à des formes du passé dont il a été le vecteur d'expression et comme il est orgueilleux, il réfléchit ça. Tandis que si l'individu a une idée nouvelle ou une idée créative, ça passe à travers lui en disant « Ok, j'observe ça, je le laisse aller puis je passe à autre chose. » Puis c'est vraiment intelligent, ben, l'idée va m'en revenir lorsque j'en aurai besoin parce que l'individu qui est conscient, il doit réaliser que quelque part, il est connecté à un océan infini d'informations, une forme d'Internet psychique où tout est là. Mais pour être disponible au tout, il faut que l'ego soit détaché du particulier. Parce qu'il est attaché à une invention, à un livre qui est écrit, ben, il n'est pas en état de disponibilité par rapport à d'autres choses. Mais de toute façon, s'il s'attache à quelque chose, l'esprit peut créer des chocs dans sa vie. Prenons par exemple quelqu'un qui a écrit un livre, puis finalement, ben le livre prend feu ou le livre se vend pas. Bon, ben à ce moment-là, Chris il est obligé de se détacher de la croyance qu'il pouvait avoir qu'il était un esti de grand instructeur supramental. Si son Chris de livre, il se vend pas, il en écrit trois autres, puis il se vend pas plus. Parce que quelque part, l'idée que c'est un génie qui va amener la diffusion à l'échelle du monde de la conscience supramentale. Ben, il est obligé d'être confronté à la réalité que c'est une illusion. Donc, autrement dit, l'ego est mis en échec par rapport à toute forme de croyance erronée par rapport au réel. Et ça, c'est dans tout. Et même les égos collectifs par rapport à des groupes de la société, comme l'histoire de la propagande qui court au moment où est fait cet enregistrement entre la Russie et l'Ukraine. Quand que je vois par en dedans, ça me dit que tout ce qui est illusoire, autant individuel que sur le plan collectif, tôt ou tard va prendre fin. Et la raison pour laquelle des civilisations s'écroulent, c'est qu'ils sont trop attachés à du mémoriel dysfonctionnel, polarisé, qui les empêche d'évoluer. Donc, c'est un petit peu comme des plantes qui étouffent parce qu'ils n'ont pas assez d'espace. Quand quelqu'un est trop pogné, trop pris dans de la mémoire, prenons par exemple quelqu'un qui a un problème d'accumulation compulsive, bon, ben si la maison est pleine de détritus, est pleine de divans, de fauteuils, de journaux, de disques au laser, etc., puis la personne n'a plus de place de bouger, ben qu'est-ce qui va arriver? C'est que la personne est en train de suffoquer. Il y a des civilisations qui suffoquent sur le plan psychologique par rapport au poids des mémoires anciennes. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, tout ça va éclater. Et dans le fond, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment qui m'a créé un choc avec un individu singulier qui me disait que tous les individus en société ont une fonction, même les sociopathes. Parce que souvent, dans le discours populaire, on va dire « Non, non, la sociopathie, c'est pas beau, c'est quelque chose de pas correct. Il faut que les gens, dans le fond, ça soit des gens qui sont empathiques, ouverts aux autres. » Mais lui, ce qu'il me disait, c'est que le sociopathe qui respecte pas les normes, qui va être impulsif, ben, il peut avoir une fonction par rapport à une société qui est sclérosée dans des normes archaïques. Pourquoi? Ben, il agit pas en fonction de ça. Donc, dans un sens, un sociopathe, de par sa conduite qui est au-delà des normes, de la normalité, tiens, je vais aller chercher la définition sur Google de sociopathe. Vous voyez, je suis un petit peu intellectuel, là. On va aller voir ça sur Google. C'est quoi qu'ils disent, là, par rapport au sociopathe, la vraie définition. Par rapport à des paramètres externes à moi, là, je tombe un peu dans l'intellectuel, mais pour mettre les choses au clair. Donc, trouble de la personnalité caractérisé par le mépris des normes sociales, une difficulté à ressentir des émotions, un manque d'empathie, une grande impulsivité. Donc, définition qui provient du Larousse. Donc, ce qui est intéressant, puis le gars, il me choquait un peu parce que ça va dans le compte du sens commun, puis j'étais obligé de dire, bien, c'est vrai. Parce que si la personne, dans le fond, des fois, on va critiquer tel dirigeant d'entreprise ou tel politicien qui est au pouvoir, c'est un sociopathe. Qu'est-ce qu'on entend par sociopathe? Donc, des gens qui méprisent des normes sociales. C'est sûr que si tout le monde sont sclérosés dans une moralité sociale qui les empêche de bouger ou de se mettre en action, parce que tout le monde veut être beau, tout le monde veut être gentil, ben, les sociopathes, à ce moment-là, ils ont une fonction en suivant pas les normes, ben, ils amènent les gens à réaliser qu'à quelque part, ils peuvent vivre au-delà de la forme, à travers une forme d'impulsivité. Certes, sur le plan moral, c'est pas nécessairement souhaitable des gens qui manquent d'empathie, qui sont impulsifs, puis dans certains cas, ils peuvent être violents, commettre des crimes, ils peuvent tuer du monde, et ainsi de suite. Mais d'un autre côté, ces gens-là forcent les gens d'une majorité qui peut être confortable par rapport à certaines normes, certaines croyances, d'être en état d'éveil. Autrement dit, le potentiel chaotique des sociopathes pour une civilisation force aux individus de la civilisation de ne pas s'endormir dans la croyance que certaines normes, certaines coutumes doivent être considérées comme des absolus. Parce que les sociopathes viennent relativiser cette importance-là dans le sens qu'ils ne respectent pas. Donc, quand j'avais discuté avec une personne, il m'avait sorti ça dans la discussion, j'ai été comme surpris. Et il m'a fait réaliser qu'en effet, les sociopathes ne font pas les choses que certaines autres personnes. Fait qu'au niveau de l'ingénierie sociale, le sociopathe peut avoir une fonction de maintenir une population à quelque part en éveil parce qu'elle ne répondait pas à certains stéréotypes et normes sociales. Donc, c'est intéressant à regarder parce que des fois, on en regarde des choses puis on dit tel comportement, ben, il n'y a pas d'allure, il n'y a pas de bon sens. Mais dans certaines situations, ça peut être utile. Fait que c'est pour ça qu'il faut être capable de sortir de la boîte puis au-delà de la mémoire psychologique puis de la morale subjective. Mais ça, c'est pas évident. Puis pouvoir faire ça, il faut avoir de l'esprit. Donc, mais mon point, c'est pas d'avoir un propos moral ici, c'est d'avoir une capacité d'observation amorale pour faire des constats que ce qu'on va appeler une forme d'énergie chaotique peut servir à redynamiser une collectivité sclérosée ou stagnante. Et amener certaines personnes à s'éveiller à des réalités qu'ils pouvaient avoir dans le fond, oubliés pour des raisons d'hypnose collective. Donc, c'est sûr que dans un sens, on regarde ça puis on peut dire ben, le sociopathe crée une forme de mouvement qui n'est pas régie par des formes relatives à du passé, ce qu'on va appeler de la sagesse ou de la philosophie, de l'amour de la sagesse. Donc, le sociopathe va, dans certains cas, amener les gens d'une collectivité à réaliser que, à quelque part, l'attachement à des formes et des normes sociales a ses limites. Parce que, à quelque part, c'est pas tout le monde qui est suit, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas assujettis par elles. Et à ce moment-là, ces gens-là ont un pouvoir de liberté ou un pouvoir d'imprévisibilité que leur conscience docile par rapport aux normes n'ont pas. Et si les gens ne sont pas confrontés à du chaos, ils pensent que leur réalité, c'est tout ce que tout le monde vit, puis il n'y a pas autre chose. Donc, ça crée un différentiel énergétique qui crée une forme de dynamisme. Mais pour en revenir à la question du sujet de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est que on vit dans une drôle de réalité. Dans un sens, je vous dirais, sur le plan du discours, d'aborder la conscience supramentale dans l'optique d'amener les gens à passer à cette conscience-là, c'est illusoire. Parce que la conscience supramentale n'est pas le fruit d'un désir de l'ego, il est le fruit d'une imposition à l'ego, d'une programmation qui lui échappe et qui va subir malgré lui. Donc, autrement dit, ça se fait tout seul. Mais en même temps, si la personne a la vibration de parler, c'est intelligent qu'elle parle parce qu'à quelque part, elle suit une programmation qui peut amener un changement au second niveau. Donc, quand que je fais référence ici au concept de changement au second niveau, c'est qu'il peut y avoir un changement qu'une personne peut vivre au premier niveau. Ce qu'on va appeler la conformité d'apparence. Donc, je vous donne un exemple concret. Si on l'applique au niveau de la thérapie, donc au premier niveau, quelqu'un consulte un thérapeute, ça peut être un travailleur social, un psychologue ou un autre type d'intervenant. La personne va faire une thérapie pour faire plaisir aux membres de sa famille. Donc, le changement au premier niveau, c'est quoi? C'est que la personne va arrêter, par exemple, prendre la drogue parce que ça fait plaisir à sa femme. Ou ça fait plaisir à ses enfants, ou ça fait plaisir à ses parents si c'est un enfant qui consulte dans le cadre d'une thérapie pour faire plaisir aux parents qui s'inquiètent là, par rapport à l'enfant. Au premier niveau, la personne, une fois la thérapie complétée, elle peut faire preuve d'abstinence pour faire plaisir aux parents. Sauf que si elle n'a pas vécu un changement au second niveau qui est en relation avec une volonté qui émerge en elle d'arrêter de prendre la drogue, ce qui va arriver, c'est que tôt ou tard, elle va faire une rechute. Et à un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un. C'était un homme qui me racontait qu'il avait fait 16 fois des thérapies pour arrêter de prendre la drogue, mais à chaque fois, ça venait des autres. C'est-à-dire qu'il y avait des gens de son environnement, une influence externe qui l'a amené là. Tandis que ce qui a fait que ça fonctionne. Donc, c'était un changement d'apparence, donc au premier niveau, un changement qu'on appelle psychologique. Mais au changement au second niveau, c'est quand que la volonté a émergé en son centre de « ça suffit la drogue », là, ça a fonctionné, mais il faut que ça vienne de l'individu. Et c'est la même chose pour la prise en main d'une civilisation. Donc, tant que les gens ne seront pas saturés d'une condition évolutive, il n'y aura pas un passage à un autre niveau. Et pour qu'il y ait passage à un autre niveau, il faut qu'il y ait une mise en vibration d'une masse critique de gens conscients qui vont amener un changement dans la société. Et la société est comparable à un gros paquebot, un peu comme le réseau hospitalier québécois que j'avais déjà entendu à la radio qui était comparé à un gros paquebot, donc un gros bateau qu'on peut faire bouger, mais c'est extrêmement lent. Donc, il y a eu des réformes au Québec dans le domaine de la santé pour améliorer le réseau, mais ces réformes-là s'effectuent très, très lentement parce qu'un peu comme un paquebot qui est immense, qu'on veut modifier la trajectoire, ça demande beaucoup d'énergie puis il bouge pas beaucoup. Fait que c'est un petit peu le même principe pour une collectivité. Donc, la réforme de la collectivité québécoise ou européenne ou peu importe pour amener à une plus grande conscience, ça va être très lent, Puis bon, je m'attends pas de connaître ça de mon vivant en tant qu'ego qui se réfléchit là, par rapport à ça. Par contre, je m'occupe de ma vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut bouger plus sur le plan individuel qu'en relation avec le collectif. Et tout ça pour dire quoi? Parce que quand je fais des enregistrements, moi j'aime aller plus loin dans ma compréhension des choses. Puis quand que je parle des choses, bon, s'il y a des gens qui écoutent ça, vous bénéficiez tant mieux, mais fondamentalement, la raison que je le fais, c'est pour aller tout le temps plus loin dans ma compréhension. Donc, ça pour aller où? Ben, en fait, ce que ça me dit intérieurement, si je le prends au niveau de l'esprit, je peux me mettre en mode canalisation. J'aurais pas besoin, en tant qu'ego, de vouloir pousser quelque chose. Je vais me connecter à quelque chose qui va m'amener à parler tout seul. Parce que des fois, en tant qu'ego, on peut vouloir aller plus loin. Il y a un désir. Mais dans certains cas, on peut avoir saturé le sujet aussi. Moi, en tant qu'ego, j'ai un tempérament est insatiable. Fait que je cherche tout le temps à aller plus loin. Aller chercher plus de choses, mais en réalité, ce qu'a dit se dit tout simplement, se diffuse à travers la parole, un peu comme un liquide qui va descendre par son propre jet. On peut vouloir accélérer le mouvement, mais si c'est pas associé à une volonté réelle en coordination, en relation avec l'esprit, c'est une perte de temps. Mais pour ce qui est de la question de la liberté de la forme, ben, c'est de pas être attaché par la forme dans un sens qui fait qu'on est libre, mais si on est libre de certaines formes, c'est parce qu'à quelque part, en parlant, on utilise des mots, des formes, on va émettre des phrases, des vibrations, donc on émet d'autres choses. Autrement dit, l'essence du propos est très simple. C'est que si on n'aimait pas quelque chose, parce qu'on, si on n'aimait pas de l'astral, c'est parce qu'on aimait de l'éthérique, c'est tout. On change de... Ben, un peu comme Bernard de Montréal, il y en a dit qu'ils sont connectés au FM, à la radio. Autrefois, il y avait la bande FM, puis il y avait également la bande AM. Donc, la personne qui est plus connectée au AM, elle devient à un moment donné connectée au réseau FM. Puis là, à partir de ça, ben, il y a d'autres informations. Si vous écoutez le AM, puis vous avez de la radio parlée, avec des émissions d'affaires publiques. Là, vous tombez sur une chaîne FM qui, au contraire, ça va être de la musique classique. La vibration va être très différente. C'est un petit peu la même chose entre le plan éthérique et le plan astral. Il y a une substitution d'une chaîne à l'autre. Mais que l'individu soit inconscient ou conscient de tout ça n'empêche pas moins qu'il est traversé par de l'énergie, il est traversé par de la pensée qui ne provient pas de l'activité de son cerveau, mais dont le cerveau a un réceptacle, un peu comme une antenne radio ou une antenne similaire, si on actualise la comparaison, qui reçoit des informations en tout temps en relation avec l'Internet psychique, un peu comme l'Internet physique et les outils technologiques. Hey, ça fait des rimes, hein? Quand on les utilise, ça fait quoi? C'est que on utilise des technologies qui sont en relation avec des réalités à caractère énergétique de nature similaire. Prenons par exemple l'idée que l'individu est connecté au réseau d'Internet sans fil. Bon, ben l'individu peut se connecter au réseau du plan éthérique de manière sans fil. Donc, le développement technique rend accessible une compréhension à l'effet que quelqu'un peut être connecté à un réseau. Or, quand il n'avait pas d'appareil sans fil, comme des téléphones intelligents qui se connectent au réseau Internet, ben, les gens avaient de la difficulté à appréhender le concept. Et là, si aujourd'hui, grâce aux outils de technologie, mais en même temps, je n'aimais pas sur un piédestal, c'est juste à titre indicatif que je dis grâce, là. Vous voyez, ma parole se réajuste que... Grâce aux outils technologiques actuels où ce que les gens un peu partout ils ont accès à l'Internet sans fil, bon, mais les gens peuvent dire, ben, si j'ai accès à travers mon appareil à des informations qui sont en relation avec un réseau, ben, ça se peut qu'au niveau de ma psyché, je sois en contact avec des informations qui me lient à un réseau psychique en relation avec des questions d'affinité vibratoire. Sauf que l'individu est connecté malgré lui. Au réseau psychique, il est travaillé un peu comme l'appareil. Le téléphone cellulaire, c'est un outil et son utilisateur, ce qu'il peut faire, c'est de le connecter à un réseau Internet plutôt qu'à un autre. Si la personne a accès à un réseau Internet qui demande à un autre utilisateur mot de passe et que la personne a accès aux informations, ben à ce moment-là, il se connecte au réseau si la connexion est sécurisée. Et au niveau de l'esprit, c'est la même chose, c'est-à-dire la connexion en relation que l'esprit est sécurisé par la contrepartie cosmique d'un individu, ce qu'on pourrait appeler le double éthérique, qui peut exercer des retenues d'informations. Donc, un ego peut vouloir se connecter à un réseau d'Internet psychique, un peu comme un ego sur le plan physique peut dire « ben je vais me connecter sur Internet pour avoir l'information sur comment devenir multimillionnaire ». Et l'individu peut se connecter sur l'Internet psychique, c'est-à-dire le réseau éthérique, mais son ajusteur de pensée, son esprit peut bloquer à ce moment-là l'accès à l'information qui lui permettrait, par exemple, de devenir multimillionnaire si l'esprit juge que ce n'est pas le temps, et ainsi de suite. Mais l'esprit ne fera pas un blocage de l'information pour des raisons de contrarier subjectivement l'ego, mais pour des raisons d'évolution. Si l'esprit évalue que l'ego va devenir trop orgueilleux et se devient multimillionnaire, ben, il n'aura pas accès à l'information. Mais l'esprit ne cherchera pas à faire ça pour nuire à l'ego, mais tout simplement l'amener à suivre une trajectoire évolutive préprogrammée pour lui qui n'est pas inférée par l'astral, qui peut lui faire désirer de devancer son temps ou d'avoir des choses qui n'est pas objectivement souhaitable qu'il le tienne, parce que s'il devient trop rapidement multimillionnaire alors qu'il n'a pas fini sa transition psychique, à ce moment-là, il va être un multimillionnaire orgueilleux. Donc, ça va être un ego qui va être dominant, puis il va peut-être se comporter précisément comme les millionnaires sociopathes qu'il va critiquer avec des lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux, en disant « Regardez, ces gens-là sont pas corrects. » Mais oui, mais Chris, ils sont pas ajustés vibratoirement. Puis là, l'ego peut poser la question « Pourquoi que lui, il est super riche, puis moi, Chris, je suis dans la merde? » Puis l'esprit peut lui dire « Ben, pour des raisons d'évolution, il est en contact avec de l'argent. Mais toi, pour des raisons d'évolution, puis comme tu es capable de contenir plus de contenance, tu vas être travaillé par nous autres. » Puis là, l'ego peut dire « Ben, c'est injuste. Moi aussi, je veux rester inconscient puis multimillionnaire. » Sauf que l'esprit va dire « C'est pas toi qui choisis les règles du jeu. » Et la programmation qu'on impose a préséance sur celle astrale, car elle est supportée par une vibration plus haute. Donc, autrement dit, ça s'impose à toi, et tous les gens qui se conscientisent se font imposer une programmation malgré eux. Donc, autrement dit, la conscience vibratoire, c'est pas quelque chose qui se décide d'y avoir accès par l'ego, c'est pas l'objet du désir de l'ego, c'est une imposition qui se fait dans son temps. Et la particularité de ça, quand on la regarde avec un ego réflectif, on peut dire que c'est très injuste. On peut parler avec une personne, par exemple, elle est rendue à 70 ans. Chris a passé 30 ans de sa vie à méditer à raison de 20 minutes par jour sur la lumière et l'amour, puis les méditations guidées avec les anges, la pleine conscience. Où la personne, ça fait 30 ans qu'elle va à l'église, puis elle va prier, il me semble qu'elle doit mériter quelque chose en proportion, tu sais, avoir un accès à haute vitesse à l'Internet qui donne accès à une science de l'absolu qui lui permettrait d'être multimillionnaire, être en totale santé, mais non. Il y en a d'autres, Chris, ils passent pas à travers une relation avec la forme pareille, mais ils deviennent très riches ou etc. parce que il y a des lois qui sont par-delà la réflexion qui travaille l'ego malgré lui. Et si l'ego s'attarde trop à les réfléchir ou faire de la comparaison avec les autres en relation avec son orgueil, c'est là que l'ego perd du temps et de l'énergie parce qu'il ne se mêle pas de ses crises d'affaires. Tout ça pour dire quoi? La finalité de l'esprit, c'est pas que l'ego devienne multimillionnaire, c'est que l'ego devienne heureux. Non. Ben oui, dans un sens, devienne heureux dans le sens ajusté vibratoirement à lui, c'est-à-dire dans un état de cohérence psychique, plutôt que dans un état de désordre, donc dans un sens avoir la paix de l'esprit, mais c'est pas heureux subjectivement dans le sens de vivre des montagnes russes émotionnelles qui seraient liées à l'affiliation avec le plan astral, qui seraient liées à une forme d'instabilité psychique qui crée une dynamisation temporaire et qu'il n'y ait pas de continuité dans son lien avec l'universalité de la conscience prépersonnelle. Bon, je me suis écouté un peu parler, là. Des fois, je donne une dimension très technique aux mots. Là, je vais arrêter de me regarder. Je vais regarder ce que l'esprit me dit par rapport à la question de la forme. Ben, ce que ça me dit, là, je parle puis je fais des bords, c'est que quand l'ego vit un changement psychique, la femme va être délogée de sa vie, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Donc, il n'y a rien à faire dans un sens. Il y a juste à ne pas retarder le mouvement en conservant une affiliation psychique avec l'astral alors que l'esprit veut l'amener à ce qu'il connaisse du délestage par rapport à l'astral. C'est juste l'esprit va amener un ego à se débarrasser de toute l'accumulation qu'il a faite depuis des années chez lui parce que c'est super encombré et il ne peut plus se promener d'une pièce à l'autre. Puis il résiste à ça parce qu'il est sous influence astrale puis il y a l'attachement émotionnel dans le sens que la personne est rendue, par exemple, à 70, 80 ou 90 ans. Elle dit, ben là, je peux pas me départir de cet album-là de photos, c'est mes enfants qui sont là-dedans. Ensuite, je peux pas me départir de cette peinture-là, c'est mon enfant qui a fait ça. Ensuite, je peux pas me départir de ce meuble-là, j'ai eu ça à mon mariage, je peux pas me départir par la suite de ce bibelot-là, j'ai eu ça en cadeau de mon employeur, je peux pas me départir du souvenir de voyage que ma tante m'avait envoyé parce que cette tante-là est morte puis est importante pour moi. Fait que, tant que l'ego il y a une retenue en relation avec la filiation psychique à du mémoriel, il n'y a pas de place pour du nouveau. Puis à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est quoi? Ben, c'est que l'esprit crée un concours de circonstances pour des raisons de programmation où ce que la maison prend feu. Puis là, à ce moment-là, l'ego il a pas choisi, mais il vit le détachement par rapport à l'ensemble de ses formes. Sauf que ça peut être extrêmement souffrant parce que c'est un deuil immense qu'il va vivre au lieu de le vivre à mesure en jetant aux poubelles ce qui est plus utile. La conscience de l'esprit aussi, quand elle travaille l'individu pour l'optimiser, elle va chercher à amener l'individu à être léger des mémoires anciennes. Pourquoi? Parce que les mémoires anciennes empêchent l'articulation au nouveau. C'est très simple. C'est un petit peu le même principe que tant que l'individu est arrivé à être nourri par le cellulaire, il n'est pas nourri par son esprit et la problématique, les enjeux de l'époque actuelle, c'est que l'ego, il doit être entre autres capable de reconnaître la nécessité. Bon, quelqu'un peut avoir une maison qui passe au feu, puis à ce moment-là, il est libre de l'attachement au passé parce que c'est imposé à lui. C'est sûr qu'il va avoir de la peine, tu sais, si la personne a perdu. Ah, quand que mon enfant est né, il y avait un trousseau de baptême, là, il était beau, là, il était blanc, là, avec une petite cape, là, il n'y a plus ça. Ensuite, il a perdu tous les jouets, tout ce qui est les albums de photos, puis tout ce qui est lié au passé. Il peut souffrir, mais ça peut l'amener à se redéfinir. Et là, la créativité peut émerger. Même chose pour l'utilisation. Il y a des choses qui sont vues par des gens comme étant anormales. Prenons par exemple le fait qu'il y ait des feux ponctuellement en forêt. Or, avant l'activité humaine, il y en avait des feux en forêt. Donc, dans la nature, pour que la nature se régénère, ça prend des feux. Pourquoi? Ben, parce que à ce moment-là, ça amène une variation lorsque, par exemple, la forêt passe en feu, qui va redynamiser certaines plantes, ça va redynamiser le sol, puis il y a des substances qui vont se mélanger. Donc, dans un sens, la fin du cycle de vie d'une forêt qui connaît son apogée et qui prend en feu, c'est quelque chose de naturel. C'est sûr qu'il peut y avoir des feux de forêt aussi qui sont engendrés par l'homme. Mais le point, c'est que l'homme ou l'individu avec un grand H doit accepter l'ordre naturel de la vie et qu'à un moment donné, il y a une croissance par rapport à des arbres. À un moment donné, il peut y avoir une stagnation. Donc, les arbres atteignent leur grandeur maximale. Puis comme c'est très dense, ils ne peuvent plus se développer. Et à ce moment-là, le feu lié à la foudre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, si la forêt est en train de stagner parce que les arbres étaient tous à maturité, ben, il recrée une dynamisation avec un autre cycle. Donc, autrement dit, la destruction de forme fait partie de la vie. Puis l'existence humaine, il y a une naissance, il y a un âge adulte, ensuite il y a un déclin, et puis les gens meurent, et ça fait partie de la vie. Les formes sont toujours transitoires, que ce soit une forêt, que ce soit un être humain, que ce soit une maison, et ainsi de suite. Et le principe de l'intelligence et du renouvellement créatif, c'est de composer avec l'impermanence des formes qui va être propice à une dynamisation de l'individu en relation avec sa capacité de sa conscience de se mettre en interface avec son environnement pour être en contact avec l'intelligence créative qui génère le phénomène de la vie à travers la dynamisation de l'impermanence. Bon, je pense que j'ai dit plusieurs choses dans le cadre de cet enregistrement, mais je pourrais parler encore. C'est moi qui veux parler, hein? Parce que là, je regarde, là, au niveau vibratoire, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Non. Donc, la forme de cet enregistrement est finie. Donc, écoutez, si vous êtes rendu à ce moment-ci de l'écoute de l'enregistrement, ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.